évoqué par Oussam qui nous propose de parler des migrants. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre en dessous la bâche. Donc Oussam, approche-toi, vas-y. Donc voici Oussam qui va nous parler. Donc c'est à 20 minutes de où tu vas nous parler. Après on va avoir 40 minutes de débat. Voilà. Viens un peu plus par là, que le micro il n'est pas à côté du. Bonjour, ben moi je m'appelle Oussam, je fais partie de d'un collectif qui s'appelle La Chapelle Debout. On s'est fait connaître notamment par l'occupation de deux lycées, et notamment d'un dernier qui s'appelle le lycée Jean Jaurès, dont on s'est fait virer. On vient en aide de différentes manières pour les migrants, les sans-papiers, les Roms à la rue pour forcer les autorités à prendre leurs responsabilités. On est pour qualifier ce qui se passe, à savoir du racisme d'État en barre. On a tout un travail sur l'accès à la parole des personnes exilées. Il y a eu un colloque qu'on a fait où c'est des migrants qui parlent. C'est publié dans la revue Esprit de il y a deux mois. Et donc du coup là, il y a deux personnes qui pourraient vous parler. Il y a Mohamed Yacoub. Et Ibrahim Adam. Et donc du coup ce qu'on vous propose de faire, c'est soit de, enfin, Mohamed il parle, enfin Yacoub il parle anglais, Ibrahim il parle que arabe, donc on va traduire éventuellement au fur et à mesure. Moi je parle arabe, enfin je pourrais faire la traduction pour ceux qui parlent anglais, enfin je parle aussi anglais, mais on pourra faire la traduction. Mais voilà, so basically I just explained what we are doing in Jaurès and in the camps. I just gave your names, and I told that you speak English and you speak only Arabic. Arabi faqat. Et Rotana, qui est une langue du Darfour. Et donc du coup. And I said that you can speak in Arabic or in English or in Rotana if you want, and then we will do the translation. Donc je propose d'abord, moi je vais peut-être dans un second temps je ferai l'explication générale, je parlerai du procès qu'on a et de ce qui se passe, mais le plus important c'est peut-être de les entendre parce que c'est une parole rare. Donc voilà. اوكي okay. بالعربيه ولا بالانجليزيه كلامنا الوضع هناك في ستالينغراند الوضع هناك بالنسبه لنا احنا اللاجئين طبعا نايمين في الشارع وكده فالبوليس بيجي يعني في الصبح البوليس يجي في الصبح في يعني بيكون احنا ما مفتكرين هو جاي ولا كده ومرات بنكون ما نايمين في الشارع في نفس الشارع زي يعني احتمال ايام تيجي فيها مطر دي الواحد بيشوف ملاس افضل من الملاس يعني مكان افضل من المكان الثاني عشان يتضارب من المطر وتلقائيا الصبح كده حوالي الساعه 5 او 6 البوليس يكون يستحوذ على المكان ويرفع الناس في ناس يلاقوا يرفعوهم يحطوهم سكنات في المره اللي فاتت كان يحطوهم ورق طرد وكده والبقية ما في اللي هو يدخلوا ويقول ما فيش فرصة ينتهي الفرصة الجاية. Alors d'abord la situation donc dans les campements de rue est très difficile. Elle est très difficile notamment du fait d'une pression policière très forte. Pression policière qui se traduit par plusieurs charges et plusieurs violences. Là je fais juste une parenthèse. Depuis le 31 juillet, il y a eu 15 rafles. Dans la rue hein, de personnes exilées. Concrètement, c'est plus de 2500 personnes interpellées, plus de 400 OQTF distribués, 64 personnes en rétention. Il y a eu des gens blessés qui ont été hospitalisés. On a lâché des chiens sur les gens et on les a tasés. C'est ce qui se passe juste à Jaurès et à Stalingrad. Hein. Et donc, ce dont il parle, c'est que donc du coup la police arrive, elle fait un cercle. Et les gens qui sont dans le cercle auront peut-être un hébergement. On ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas où. Ça peut être dans un gymnase, ça peut être dans un centre d'hébergement d'urgence, ça peut être dans un hôtel, ça peut être une nuit au 115. Et les gens qui ne sont pas dans le cercle, on les dégage. Et puis ensuite, on fait un communiqué de presse en disant qu'on a hébergé X personnes, mais sachant qu'une personne peut être hébergée 5 fois, et donc côté pour 5 personnes, si elle a été hébergée 5 fois une nuit. Et c'est comme ça qu'on arrive à des chiffres aberrants et absurdes, comme le 2083 personnes de hier. Et ils appellent ça une évacuation. Donc évacuation, si vous ouvrez un Larousse, hein, ça revient au vocabulaire de la déchetterie ou au vocabulaire militaire, ce qui suppose qu'on fait la guerre aux gens ou que c'est des déchets. Donc voilà, d'où le fait de leur rendre la parole. وذلك حد فيهم عنده مثلا ادريس يقول له امس لو عندك ادريس يحتاج ورق طرد وفي بعض منهم يحتاج سكنات ولكن امس او الامس اقصد البوليس كان جاء ورفع الجماعه كلهم وفي باقي المتخلفين مثل نحن كنا نايمين في العمارة الثانية تحت كده من المطر ولما جينا طبعا البوليس كان استحوذ على المكان بنفس البرنامج الفات فرفع الجماعة كلهم أعطاهم سكنات فالقليل ما لقوا سكنات اللي هم مش نايمين في نفس الطريق في الطريق الثاني ولكن الجماعة رفعهم كلهم أعطاهم سكنات وسكنهم ويعني وللآن للآن إذا أنت رحت على ستالينغراد تلاقي اللاجئين المخلفين بمعنى هم كانوا نايمين في اتجاه اخر ولما جاء داخلين فمنعهم ضم الشرطه فطبعا ده القانون بتاعهم كده في البوليس حسب ما راينا. Là pour le coup il a précisé ce que la partie que j'ai fait il dit par exemple des fois on prend des gens pour leur donner un hébergement, on les emmène dans le commissariat et au commissariat on leur fait signer une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français qu'on présente comme une proposition d'hébergement. Donc on a fait une vidéo hein, qui racontait de ça sur le site de, si vous tapez La Chapelle Debout en vidéo on a fait un petit peu ça et ce qu'il a précisé c'est que là si vous allez à Stalingrad ou à Jaurès vous allez voir des gens éparpillés par petits groupes et c'est lié au fait que c'est très difficile de se réinstaller sur place et voilà, ça fait référence au fait que depuis un an, il y a une vraie guerre d'invisibilisation et qu'il faut pas, ils empêchent les gens de se regrouper parce que le regroupement a pour conséquence, comme à Nuit Debout, hein, de pouvoir être un peu plus fort pour, le cas échéant, se protéger des violences policières. Dirik, il décale un peu par là, là. Il est en... طبعا اليوم جات الحكومة الصباح احنا نايمين صح اليوم الصباح صحونا من النوم قالوا لنا بانه ما ننام هنا بانه ما ننام هنا في ستالينغراد يعني احنا اصلا يعني ما مدينا نسكن واصلا كنا نايمين برا زي ما حكى احمد وجينا وهو لمس كنا نايمين برا من المطر وجينا لقينا الحكومة حيزة المهل على كده بأنه رفعوا الجماعة وحاولنا نخش قدر الإمكان ما خلونا غشينا واليوم بأنه قالوا لنا ما ننام هنا وما نقعد هنا القيم بتاعنا ذاته قال لنا عرفهم طبقناه وقيته لما نعى لجانب. Et donc là il fait référence au fait que ce matin donc ce matin la police est venue et elle leur a dit c'est ce qui se passe régulièrement après les évacuations, c'est-à-dire la tentative de réinstallation d'un campement. Ils leur ont dit, vous n'avez pas à dormir ici, ne restez pas ici. Ils ont confisqué les affaires et détruit, arraché des tentes, des matelas, des sacs de couchage. Et on leur a dit de ne pas rester ici. Encore un élément de contexte, le préfet de police de Paris, Michel Cadeau, a été en l'espace de 2 semaines... entre mars et avril, condamné 135 fois pour entrave au droit d'asile. Donc voilà. Et autre élément de contexte, comme ici ils sont là, c'est aussi parce que France Terre d'Asile, c'est juste à côté. Et à France Terre d'Asile, il y a eu une rafle où on a détourné la queue de France Terre d'Asile pour la mettre dans une NAS. Je lui demande de vous dire depuis combien de temps ils sont là en France. انت تاريخ وصلت أنا فرنسا يوم 1/8 دخلت فرنسا. Lui il est en France depuis le 1er août. يعني اللي فترة حكاية بتاعت التوزيع الفات فيه للرفعون ونحن قويتو حكاية بتاعت 50 نفر دي المالي قول لنا سكن قالوا لنا المرة الجاية فهو المرة الجاية المرة دي مع المطر بتاع كنا بايتين برا يعني لقينا الحكومة كردنة المهل وما خلونا غشينا الجامعة بس بقدر الإمكان إحنا دارين بس الشيل يسترنا يعني من البرد والمطر دي بس دارين لنا سكن إن شاء الله بعد ده كل شيء بتمشي إن شاء الله. Malgré tout, j'espère que ça se passera pas comme la dernière fois où on nous a dit que on nous a pris, on était 50, on nous a fait monter dans un bus pour nous, on aurait un hébergement ou un logement, et finalement, au final, on n'avait rien, on n'a rien eu du tout. Mais si Dieu veut et tout se passe bien, la prochaine fois, ce sera pas comme ça. Peut-être qu'on n'ira pas au commissariat, peut-être qu'on aura un logement. C'est ce que j'espère. C'est ce qu'il a dit. Yes, police is coming today, and he said nobody can stay in that subway, and you have to go, and we have no any place to go, and you know the weather is very cold here, and it's raining every day is coming, and the weather here is different from Africa, you know, there is hot and here is very cold, and we can't stay in tonight. The weather is so cold, and we have family there in Stalingrad, and a little children, and we are, you know, imagine what's happening in tonight. It's so cold for us, you know. For this, even now, we are waiting for police to give us a house to stay. And after that, everything will be good, because if they give us house, we can make all our paper and like that. But even now, we only need house, you know, no more. Yes, thanks. Est-ce qu'il y a besoin de traduire du français à l'anglais? En gros, bah, il fait très froid dehors. Les personnes qui sont originaires d'Afrique ne sont pas habituées à ce climat. Parmi nous, il y a des familles. Parmi nous, il y a des enfants aussi. Et donc, du coup, c'est très difficile d'être dans ces, de rester dans ces conditions-là. Après, il y a la question des papiers qui elle-même aussi est compliquée. Mais pour l'instant, tout ce qu'on espère, c'est avoir un logement. Et puis après, on espère que la situation s'améliore. Bess. Il dit qu'en gros, bah, pour les questions, à la limite, il attendra que vous les posiez. Simplement, du coup, bah, je vais faire une petite présentation globale. Just, I will present the situation since 1 year, and after, if they have question. Je vais le faire en anglais, comme ça, il pourra traduire en rotana. Rana hakib el inglisi ya achan dir leh tarjama fi nfs el waqt. OK. Non, justement, je vais expliquer. Tu vas expliquer, bah vas-y. So, basically, since more than 1 year now, since the 2 of June 2015, there is a war against the migrants and refugees in the streets of Paris. Donc en gros, il y a une guerre contre les migrants et les réfugiés depuis le 2 juin 2015. There were lots of camps, what the city hall called savage camps, in Paris. Donc il y a eu des regroupements de personnes, plusieurs camps que la mairie de Paris appelle des camps sauvages. One thing really interesting. Because there is a lot of communication of the city hall saying that Paris is a welcoming city. Donc Paris, on entend beaucoup de discours sur le fait que Paris est une ville refuge. But in fact, it's not so true because we have seen a lot of time the toilets, for example, or uh, the the place where you can drink water closed by the city hall to prevent what they called upset fixation, which means to prevent the refugees to gather together. Donc le deux refuges, nous tout ce qu'on a vu c'est une pression policière dont vous venez d'avoir quelques extraits et surtout une grande violence qui s'est traduite notamment par la fermeture des toilettes et des points d'eau pour ne pas favoriser ce que la mairie appelle des abcès de fixation. Donc on voit bien que abcès ça renvoie à tout le vocabulaire parasitique et l'imaginaire raciste qu'il y a derrière sur voilà. So to resist to do that, we have tried to help the people in their to fight for their rights. So we did a lot of demonstrations, legal demonstrations. We also opened public spaces to donc on a fait des manifestations. On a aussi ouvert des bâtiments vides, enfin réquisitionné des bâtiments publics vides. Pour pouvoir, notamment le plus grand squat de Paris, qui faisait 7000 m², le lycée Jean Jaurès, pour forcer un dialogue avec les pouvoirs publics. That's why we opened empty public spaces, schools, and we occupied that schools to force the authorities to negotiate for the housing and for the documents. C'est compliqué de switcher en permanence, mais il nous apparaît aussi très très important de casser la différence qui est faite, parce qu'elle revient à faire le tri entre les nationalités, entre les gentils réfugiés et les méchants sans papier. Donc ça s'est traduit par beaucoup de travail de traduction, de partage d'expérience. So there is a distinction between the migrants, between those who have the right to claim for asylum in France and those who don't have the right. As you may know, there is also a difference when we see the figures of acceptation at the OFPRA. For example, the Sudanese are more rejected than the Afghans or the Eritrean people. And we told that everybody has a reason to be here, because nobody leave his family, his country, his weather, just like that. Donc nous on défend la liberté de circulation et d'installation pour tout le monde, parce qu'on part du principe notamment que personne ne quitte sa famille. Le climat qu'il y a chez lui ou ses amis juste comme ça, et du coup casser cette distinction ça nous paraît très important, surtout que souvent dans la mesure où 80% des personnes qui vont à l'OFPRA sont refusées, l'OFPRA fabrique des sans-papiers en permanence, et donc du coup voilà. Et puis il nous paraît aussi que c'est un privilège que nous on a, hein. Moi j'ai un passeport, enfin j'ai deux passeports, mais quand j'utilise mon passeport marocain, j'ai le droit de voyager dans à peu près une soixantaine de pays. Quand j'ai mon passeport français, je peux voyager dans 175 pays. Eux, je sais pas, mais je sais qu'un Syrien actuellement, c'est à peu près 6 ou 7, puisque ça s'est refermé depuis que c'est la guerre. And we also consider that it's a privilege of rich countries or white people to have the possibility to travel without visa in lots of countries. Whereas for you, there is no equality because between you and us. But we just think that we are whole human, we should have the same rights. Donc voilà concrètement ce qui s'est passé. Là, je vais juste sur le procès avant de laisser la parole aux gens qui voudraient parler. Donc concrètement, pour répondre au rafle, donc je répète. 15 rafles depuis la dernière, juste avant-hier. On a fait une manifestation hein, qui était déposée. D'ailleurs, on prendra vos coordonnées à la fin pour ceux qui veulent faire obstacle à la prochaine rafle. Il ne s'agit pas de se battre contre les flics, mais il s'agit juste de s'organiser pour y faire face, pour empêcher que dans les rues de Paris, en plein jour, il y ait des gens qui embarquent des gens. Et donc du coup on a organisé une manifestation qui a été déposée, et cette manifestation, un peu notamment à cause de l'état d'urgence, a été illégalisée par la police puisqu'on n'a pas pu se rendre à République pour faire notre rassemblement. C'était le 6 août dernier. Et donc suite à ça, moi et l'autre déposante, on a été convoqués au commissariat, on a fait 9 heures de garde à vue et on a ouvert un procès contre nous pour manifestation illégale. On passera le 9 novembre en procès. Donc on a prévu de se défendre, notamment en contre-attaquant, en attaquant au pénal l'État. Et voilà, on a écrit aussi un petit texte qu'on aimerait bien que, le cas échéant, votre commission signe, supposé que vous soyez d'accord avec. So, what I just said is that to force the authority to stop police violence and to respect the right of the refugees, we have made a legal demonstration. You were there, and we were impeached to go to the place where we were supposed to demonstrate. And after that, I was invited to go to the police station. I was put in the police station. I was forced to stay in the police station 9 hours, and now we have a trial against us. The 9 November, the next 9 November, but we are confident to not be considered guilty. Enfin, j'ai rajouté à la fin que j'ai juste rajouté à la fin qu'on est confiant sur le fait de d'être acquitté. Il y a pas mal de gens qui vont nous soutenir parce que c'est à la fois un acte contre l'État, enfin qui est vraiment lié à l'état d'urgence, mais il y a aussi une dimension xénophobe là-dedans, et on estime qu'il y a vraiment enfin nous on part vraiment du principe que la lutte aux côtés des migrants dans la période actuelle, c'est pas juste on va dire un supplément d'âme ou quelque chose de spécifique, c'est vraiment la façon objective de s'opposer à l'extrême droite, quels que soient ses habits, puisque là elle a des habits roses, mais voilà, enfin bon, je suis désolé, on a peut-être été un peu long, on attend vos questions, merci. Alors merci Oussam, et je pourrais remercier ces deux personnes là. Là on parle des migrants, donc maintenant on passe aux questions. Si vous voulez poser une question, vous me faites un signe de la main, j'arrive vers vous. Donc qui voudrait poser la première question à Oussam ou aux deux migrants? Voilà. Oui, ça va. Venez plus par là s'il vous plaît. Ouais, c'est à cause de l'enceinte, sinon ça va griller. Essayez de faire des questions courtes ou des phrases courtes si elles sont longues, ça aide à la traduction. Non, tiens, vas-y, dis-le. Non, essayez de faire des phrases courtes. Ou de découper votre intervention pour que ça facilite la traduction. Elle n'a pas poussé un peu que la mienne. Alors, moi, je ne sais pas. C'est bon, là ? Tout, voilà. Alors, moi, j'ai une question qui est très simple, qui est très bête. On a dû vous la poser des quantités de fois, mais je la repose à nouveau. Pourquoi les gens fuient-ils comme ça leur pays ? Au risque de mourir, comme ça arrive assez souvent. Hein. Voilà. Ok, merci. Non, c'est en fait, il y a une question, après vous répondez, on passe à une autre question, c'est une autre affaire. Ouais. Attends, non mais, sinon vous deux, vous trois restez par là, après les gens viendront devant vous pour... Okay. Come here. Come here, please. Why? Because the war, this question, this answer, and everybody know why refugee come here, and we know, and we watch it in TV every day, every time many people fell down on the sea, but we don't care what we do. If we stay there, we will kill. But we have to do something for this. We cross the sea and we cross the desert, and some and there is many people dead in the desert, you know, and also in the sea. Is the YC. Yeah. Donc la réponse high school. والله انا اصلا طلعت يعني من بلدي بعنه اساس مشاكل وعنده حروبات والمعيشة صعبة شوية والتعليم برضو يعني مع الحروبات ده ما في تعليم. وخرجت من بلدي أنا 2013 وصلت إلى ليبيا وخرجت من ليبيا 2016 حتى حكاية بتاع 3 سنين عشان أنا يعني عندي طموحات وعندي حدث فأنه أنا أصل و... كنت شغال هناك في ليبيا؟ كنت شغال في ليبيا اشتغلت في ليبيا حكاية بتاع 3 سنين عشان أصل وأركب المركبة وأصل إلى أوروبا وأحاول يعني أوصل أهلي وأولادي وصلهم بأنهم يصلوا إلى أوروبا ويرتاحوا من المشاكل ومن المعاناة والحروبات. Donc Yacoub a fait une réponse plutôt générale, lui il a fait une réponse un peu plus précise, enfin particulière plutôt que précise. Donc Yacoub a dit que, d'ailleurs pour la suite j'aimerais bien avoir un stylo et un papier pour être le plus précis possible dans la traduction. Donc il a dit que, Yacoub il a dit que tout le monde sait très bien pourquoi les gens quittent ces pays-là, on sait très bien qu'il y a la guerre là-bas. Je ne sais pas s'il a parlé des responsabilités, parce qu'on parlait hier de qui faisait la guerre là-bas, mais donc il a dit qu'on quitte son pays parce qu'on est forcé de le faire, et qu'on vit des situations très difficiles, et qu'on a bien vu beaucoup de personnes mourir, que ce soit, enfin qu'il y avait un risque, que ce risque était connu au moment où on part. Il est connu quand on part. C'est possible de ne pas prendre de photos et de fermer ces... Non. Là. Je redis, aucune photo prise pendant le débat là, s'il vous plaît. Ok. Remember what you say when il y avait un risque à prendre, ce risque il a été pris malgré les morts qu'il y a, que ce soit dans l'eau ou que ce soit dans le désert, et qu'il faut le faire. Et lui donc il a expliqué un peu tout son voyage, hein. Il est parti en 2013, il a été en Libye dans laquelle il a travaillé longtemps, parce que faut savoir que quand ils partent le trajet n'est pas linéaire, hein. Souvent les gens restent travailler, ou en Libye en tout cas ils se font emprisonner pendant plusieurs, parfois plusieurs années, hein, puisqu'il n'y a plus d'État. Et donc il a expliqué qu'il est resté 3 ans en Libye, qu'il travaillait pour quelqu'un là-bas, et qu'après il a pu s'enfuir de là où il travaillait pour pouvoir venir ici, et qu'il espère pouvoir faire venir sa femme et ses enfants pour les sortir des conditions très difficiles de la région. Eux ils viennent de la même tribu, ils viennent tous les deux du Darfour. Donc pour sortir sa famille de cette situation très très très difficile dans laquelle il est, et aussi dans les raisons concrètes, hein, pour te répondre, il a dit qu'il y avait à la fois la question de la guerre qui était difficile, la question de la misère aussi, d'où encore une fois l'absurdité de l'opposition entre les migrants économiques ou les d'immigrants politiques, pour lui c'est les deux, et la possibilité d'accès à l'éducation, c'est ce sur quoi il a insisté dans son intervention. Alors merci, quelqu'un d'autre question? Oui, donc moi ce que je voudrais savoir, c'est comme leur situation est très compliquée en France, est-ce qu'ils ont toujours cette envie de rester en France, ou est-ce qu'ils voudraient éventuellement aller dans un autre pays, et si oui, lequel? Yeah, I have to stay here because I think French here for me it is good for me because the problem only we find is how to find house. And after that, we can make our paper quickly than German and like this. And if you want to go to the England, the subway of it is very difficult. And when I'm talking about myself, not about others, me, I would like to stay in French. But yes, but the problem is the house only. And I believe they will give us house, but when I don't know. And after that, I will make our paper, my paper. But about other, I don't know, they want to stay here or want to go other country. Yeah. We want to go to France, but because we are trying to make the decisions, بأنه سكن ما في يعني صعبة الإجراءات يعني الواحد بيكون شايل ورقه في شنطته ولا في بيه وينام في الشارع واحتمال الورق ده تحصل لها شيء تاني وتبقى برنامج يعني الشيء الضروري بأنه نحن طالبين السكن بس نحن عاوزين نقعد في فرنسا ونبصف في فرنسا وكل شيء بس عاوزين من الحكومة يعني بقدر الإمكان إن شاء الله حاولوا يسكنونه وكده عشان الواحد يعني يحاول ينهي إجراءاته فترة قصيرة. Avant de traduire, il y a une précision qui est importante. Si les Soudanais viennent en France, c'est aussi le cas de mémoire. On s'en fout. C'est bon. La France, pour l'instant, n'expulse pas vers le Soudan. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Italie. Et c'est ce qui suppose que les Soudanais sont en France. Il y a un débat en ce moment, avec des accords bilatéraux signés, notamment de la France, qui essayent de renvoyer les gens au Soudan. Je passe à la traduction, mais je pense que c'est quelque chose d'important, parce que ça explique... Pourquoi ? Bah, les Soudanais sont en France et veulent tous partir de l'Italie, par exemple. Donc, Yacoub, il a dit que lui, il voulait rester en France. Il veut être, il l'a pas dit, mais il veut être traducteur. Il veut être traducteur ici. Il dit que pour lui, le problème essentiel, c'est le logement. Qu'ensuite, il aura. Il pense que les papiers, ça ira, et il espère rester ici. Il ne parle pas pour les autres, parce qu'il y en a qui, effectivement, veulent partir après après avoir expérimenté l'accueil à la française. Mais il y a aussi la question qui est compliquée, puisqu'il y en a beaucoup qui font des allers-retours entre Paris et Calais. Enfin, ça, c'est ce qu'il a sous-entendu. Or, traverser la frontière en Angleterre, c'est un peu compliqué, puisque... Comme on le sait, c'est la France qui surveille et qui bloque les frontières. Mais donc lui, il essaye de rester ici. Ibrahim, il a dit que lui, il souhaite aussi rester ici, mais que c'est compliqué parce qu'il y a toujours un risque, notamment dans la rue, qu'on nous vole ou qu'on nous détruise les affaires. Il a fait référence à un de ses copains à qui on a détruit toutes les affaires et notamment les papiers et les preuves qu'il avait, qu'il était persécuté là-bas, donc ce qui ensuite rend les choses encore plus compliquées pour la demande d'asile. Mais Louis souhaite déposer sa demande d'asile ici, et il espère l'avoir. Il a juste peur, c'est ce dont il a parlé, pour la question des empreintes, puisque comme vous le savez, il y a le règlement de Dublin qui entrave la liberté de circulation, puisque le premier pays dans lequel vous arrivez et où on vous prend vos empreintes, on les prend souvent de force en Italie ou ailleurs, ne vous empêche pas ensuite de faire votre demande d'asile. Je répète, pas de vidéo, pas de photo pendant ce débat, s'il vous plaît. Donc, quelqu'un a une autre question, s'il vous plaît ? Vous pouvez tous parler, c'est libre. Moi, en fait, j'ai deux questions. Alors, c'est plus peut-être pour toi, mais j'aimerais avoir leurs avis. Déjà, essayer de faire un... T'en as un peu parlé, mais le point sur Jaurès et Stalingrad, parce qu'effectivement, moi, j'ai mon téléphone qui vibre assez souvent en demande de renfort et de soutien pour des différentes actions. Et on a un peu du mal à suivre, des fois, ce qui s'y passe. Et malheureusement, on le dit souvent ici, dans les médias, on a l'impression que tout est réglé parce qu'on a trouvé, enfin, c'est au préfet de se débrouiller, de trouver des emplacements dans toute la France, mais pas en Ile-de-France et en Corse, si je ne me trompe pas. Mais on a l'impression que tout est réglé, et en fait, on voit là aujourd'hui, et que les gens qui sont sur le terrain, et encore un grand merci à tout ce que vous faites. Enfin, y a pas de mots pour tout ce que vous faites, d'ailleurs. On l'a déjà souligné ici, mais je voulais le redire. Le deuxième aussi sujet, moi, qui m'alerte beaucoup, c'est le mur qu'ils veulent fabriquer à Calais. Et voilà, avoir un peu leur sentiment et ton sentiment aussi. Et je crois qu'il y a des mobilisations qui sont en train de se monter, d'ailleurs, contre ce mur. Je vais traduire les questions et puis... So, basically, there is two questions after you translate to Ibrahim. There is one question more for me, but he wants to have your advice also. The first question is... How can we organize together for the issues in Jaurès and Stalingrad? And the second question is that there is a project, and now it's more than project, of a big wall at the border between France and England, and they want to have our opinion about that wall. Bil Arabiya? Okay. Donc j'ai dit que j'allais répondre en premier. Donc concrètement, sur les choses qu'il y a à faire et sur comment on s'organise sur le terrain, y a énormément de choses à faire. Pour nous, une des lignes du collectif, il y a plusieurs personnes de différentes, on va dire, obédiences ou lignes. Nous, on est très attaché au fait de répondre politiquement à un problème politique. Et donc ça suppose de gérer de l'urgence, hein, c'est-à-dire qu'on accompagne des gens à l'hôpital, etc. S'il y en a qui ont du temps, on peut prendre leur contact pour faire ça, mais aussi de le faire, par exemple, quand on accompagne quelqu'un à l'hôpital, de le faire dans une logique de « il faut que les institutions prennent leurs responsabilités ». Et de répondre politiquement dans la situation actuelle, c'est notamment empêcher les rafles. Et donc du coup se mettre en réseau pour que quand tu reçoives une information sur ton texto, tu reçoives une bonne information, que tu la reçoives pas trop tard, par exemple. Faire des groupes, par exemple, pour filmer la rafle quand elle a lieu, qui pour suivre les gens si jamais la rafle a lieu, qui pour attendre à la sortie du commissariat pour faire les recours contre les OQTF et les prises d'empreintes qui auront été faites. Et puis par ailleurs, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites de différentes façons. Par exemple, il faudra quelqu'un pour accompagner Yacoub à son inscription à la fac en début de semaine. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire et chacun peut vraiment faire quelque chose. Voilà. Après, nous, on préfère le faire d'une certaine manière pour que ce soit pas paternaliste. Donc voilà, ça, je sais pas si je réponds à ta première question, grosso merdo, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on s'échange nos contacts après. Voilà, il y a une page du collectif sur laquelle vous pouvez écrire, si vous écrivez à La Chapelle Debout, sur ça c'est sur Facebook, ou sinon l'adresse mail c'est collectif.lachapelle.debout@gmail.com. Donc voilà, hein, on est preneur de plein de trucs. Pour ce qui est du mur, nous on est pour la liberté de circulation et d'installation. Donc un mur, c'est un mur de plus. C'est pas comme si c'était pas la mode dans le monde actuellement, hein, les murs. Il y en a à la frontière mexicaine aussi. Il y a le mur. Le mur entre Israël et Palestine, etc. Enfin bon, on fait partie d'une campagne qui s'appelle Frontexit pour sortir Frontex, pour dénoncer aussi tout le fric que nous payons que nous payons de notre poche pour payer les barbelés. Donc, bien sûr, on est contre. On va aller à Calais le 1er octobre prochain pour manifester avec des Calaisiens et avec des migrants de la jungle pour dire que c'est pas possible. Aussi pour pas laisser encore une fois le terrain aux gens d'extrême droite. Il y a une asymétrie encore une fois sur le fait toujours de dire nous, enfin quand je vous disais qu'on lutte contre l'extrême droite quels que soient ses habits, c'est assez frappant par exemple de voir que les commerçants de Calais qui se plaignaient soi-disant des nuisances eux ont été reçus à l'Élysée pour pleurnicher sur leur chiffre d'affaires quand nous n'avons quasiment jamais été reçus sauf après avoir occupé le parvis de Beaubourg ou avoir fait des actions un peu spectaculaires en plein état d'urgence et voilà, et ça raconte aussi quelque chose qui à mon avis doit nous interroger dans notre rapport aux exilés, aux migrants, aux sans-papiers d'où qu'ils viennent, qui est que on a soit la possibilité de les considérer comme des figures charitables qu'on va aider, qui vont fermer leur gueule et c'est super bien, soit comme des terroristes. Et donc là c'est Cologne, les terroristes qui empruntent la route des migrants, tout ça, mais comme éventuellement nos égaux, c'est-à-dire des personnes dans lesquelles on pourrait se reconnaître, avec qui on pourrait être amis, ou quelque chose, ou même juste des sujets de droit, puisque le droit n'est pas appliqué ou régulièrement violé, ben c'est pas possible. Et du coup, ben, l'idée c'est simplement de dire, voilà, nous, il y a des gens ici, à Paris, ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'autres collectifs aussi en France, hein, où les gens veulent juste... veulent dire qu'ils sont ensemble, qu'ils sont à égalité et qu'on veut pas de différence. Et la façon d'exister ensemble, normalement, est censée traduire le fait que on a prévu de flinguer le mur. Wallahi, بالنسبة للمساعدة اللي هم الأخوان ده قال إنه كيف يساعدوا اللاجئين هناك وكده. والله في ناس بيساعدونا من ضمنهم أنت وباقي الشباب اللي معك. بقول لنا عملوا إجراءات كده وسووا كده وعملوا كده لأنه في الإجراءات حتى لو نحن عملنا الإجراءات دي في يعني مثلا يحطونا رسالة في البريد الإلكتروني أقصد في البوسطة وكده لما تجينا هي بتجيب الفرنسي طبعا فنحن ما بنحكي فرنسي بنحكي عربي وبنحكي الروتانة الخاصة بينا وفينا الناس اللي يعرفوا إنجليزي ولكن الفرنسي بنحتاج لنا ناس يعني عشان إيه يترجموا لنا وكده فنحن ما بنقدر نترجم الفرنسي وكده لما نلتقيكم انتوا هناك مساندين وكده وواحد بحطيكم الورقه واقول لكم قول لنا كده كده كده كده فقط الترجمه يعني محتاجين الترجمه دي بالنسبه للحاله في ستالينجراد وجوغيس وبعد ذاك اللي هي المشكله الكبيره هي ايه ال- ال- ال- كيف نلقى الملاس اللي هو المنزل او المكان اللي فيه اما بالنسبه للناس اللي في كالي وكده فنحن انا نفسي كده وعن ابراهيم ما رحنا لكالي قاعدين هنا في جوغيس اللي هي ستالينجراند بس هم اللي إذا كانوا يقدروا يستطيعوا فقط ترجموا وكده ويترجموا على الناس اللي هي الأوراق التجينة لما نعمل هنا وكده لأنه بنعرف الفرنسي بس ممكن كده وفي ناس يعني بتساعد بالنسبة للطعام وكده بتجينا حوالي الساعة 1:00 و2:00 وحوالي الساعة 7:00 مساء برضو بيجوا ناس كتير قوي يعني الناس ما شاء الله ماكلة وشاربة وهي حياكين بس فقد المنزل لأننا في ناس تستحمى وفي ناس كده وعن النساء كمان نتكلم لك بالنسبة للنسوان أو النساء هم العائق الأكبر لأنه المعروف المرأة يعني مش زي الرجل نحن ممكن ننام هناك ونقعد كده كل مرة معروف في الشهر بيجي الدورة وكده تكون يعني حالها هناك مش منيح زينا كده متضايقة وكده وما ساتر حالها عشان تنظف نفسها وكده فهمت عليه بس وما أكتر يعني Alors le point, et c'est pas un hasard que parce que souvent c'est contre-intuitif sur lequel il a commencé, c'est le point de la traduction. Il nous a dit voilà, nous on a besoin de gens notamment pour nous traduire les documents qu'on reçoit quand on les reçoit, parce que tout est en français. C'est encore une spécificité française. Hein. Vous allez en Belgique, tout est traduit au minimum en 8 langues. Vous allez en Angleterre, il y a encore plus de langues, mais en français, tout est en français. Quand on a été reçu par la préfecture de région, il y avait un Afghan qui était en France depuis 3 jours. Et on lui a dit, ici, monsieur, en préfecture, on parle français, on a interdit la traduction. Donc voilà, enfin voilà une occurrence concrète et pratique de ce que nous on appelle du racisme d'État. Et donc du coup il dit voilà, on reçoit des papiers et on nous dit que si on répond pas aux papiers sous certains délais, eh ben on risque de pas avoir nos papiers. Or ce papier est en français, or on ne comprend pas. Donc il y a un gros besoin de traduction. Donc ça fait partie des choses que nous on fait beaucoup. Mais il y a aussi un chantier sur le fait de traduire leurs paroles, leurs expériences, leur savoir. Hein. Donc voilà, il a beaucoup insisté sur cette histoire de traduction. Après, il a dit il y a des gens aussi qui aident à cuisiner, au fait qu'on cuisine ensemble et que ce soit pas des associations qui fassent à manger, parce que c'est mieux si on bouffe ensemble, on bouffe ce qu'on veut et en plus on bouffe, c'est pas de la charité quoi. Donc voilà, il a expliqué que eux deux, pour ce qui les concerne, n'étaient pas allés. Ah non, pardon. Il y avait aussi la question de tout ce qui était sanitaire, sur le fait des gens qui pouvaient parfois à l'occasion prêter leur douche ou voilà. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les douches municipales, aux abords des campements, les bains publics, ça aussi c'est le caractère accueillant de Paris Ville Refuge, étaient souvent fermés ou avaient bizarrement la légionellose très très rapidement. Ou sinon vous aviez aussi le fait que, et donc du coup voilà, parfois juste accueillir quelqu'un pour pouvoir lui prêter sa douche, ça aide. Il a fait un focus aussi sur, de façon générale, sur le fait d'aider à l'hébergement de différentes façons. Et il a fait un focus sur la situation des femmes à la rue qui lui semble très difficile et particulièrement violente. Et il estime aussi qu'il y a des femmes qui ont des besoins spécifiques et que du coup, ce serait bien qu'il y ait des femmes qui y participent. Pour ce qui est donc de la situation de Calais, il a pas trop d'avis, mais il trouve qu'elle est pas juste. Merci. Je répète de nouveau, aucune photo, aucune vidéo. Attends. Donc aucune photo, aucune vidéo, s'il vous plaît. Ah, il y a lui avant. Ah, ouais, ça marche. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer, parce que franchement, j'ai dû reprendre mon souffle, en fait, avant de parler, parce que ça, en fait, pour moi, c'était vraiment touchant, en fait. Ça me retourne le cerveau, franchement, et plus que ça. Et en fait, parce que ça me glace, et en même temps, ça me chauffe le sang, tu vois, parce qu'en fait, comme tu dis, c'est ce que tu appelles le racisme d'État, du coup, et en fait, ça représente pas du tout, pour moi, ce que nous, Français, on pense. Et en fait, c'est ce contre quoi on lutte aussi, nous-mêmes, dans nos problèmes aussi, on n'est pas d'accord contre les façons de fonctionner de notre État. Et donc ça me pose problème, en fait, parce qu'on est, on donne une image qui... On donne une image. Vas-y. Ouais, ça marche. En fait, on donne une image qui ne nous représente pas, quoi. Et voilà, bon, je voulais déjà avoir leur avis là-dessus. Et bon, après, j'irai... Je vais te laisser finir, quand même. C'est ça, en fait. Moi, par exemple, je suis écœuré, en fait, quand on transmet cette image, et du coup je veux savoir ce qu'ils en pensent, mais ouais. Et attends, je vais juste une petite... Et juste après, peut-être éventuellement, comment tout bêtement savoir un peu comment se passe la vie, en fait, à Stalingrad, à Jaurès, entre eux, en fait, tout simplement. C'est savoir s'il y a, bon, comment ça se passe, quoi, si c'est solidaire ou plus ou moins, et entre qui, voilà, enfin, je sais pas. يعني بالنسبة للاجئين تفكيرهم أو تضامنهم هم في النهاية جو هنا على أساس إنه يشوفوا الحياة الأفضل والحماية والتعليم وحربين من الحروبات فتفكيرهم كله الآن بيتركز على الإجراءات فقط يعني تفكيرهم بيتركز على كيف يتم إجراءاتهم ويعيشوا حياة أفضل من الحياة اللي عايشينها بتاع الحروب وكده. ففهم واحد الفهم بتاعهم واحد هو إنهم بس يكون عندهم بيوت يسكنوا فيها ويتم إجراءاتهم فقط. تضمنهم الفكر كده يعني، مش جايين هنا عشان مثلا أوروبا سمحة وحابة الشكل دي، لا، عشان واجهوا حروبات. أنا عن نفسي جيت أوروبا هنا على أساس إنه واجهت حروبات في بلدي، لو ما الحروبات ما أجي أوروبا إلا للعلم، ولكن جيت هنا على أساس إنه الحروبات وكده. فكلنا هناك اللاجئين نفكر ونتضامن بعقل واحد إنه كيف نلتقي نلاقي مكان ننم فيه ونتم إجراءاتنا ونتمشي أمورنا مثل الناس. Bah d'abord merci. Enfin, il est content de savoir que c'est pas tous les Français qui pensent ça. Mais après le paradoxe c'est qu'on dort à la rue, mais que la principale chose à laquelle on pense c'est des papiers, parce que on a compris que c'était compliqué, et du coup voilà on pense à comment faire des démarches, etc. Parce que une fois qu'on aura ces papiers, on aura la possibilité d'avoir une vie généreuse, c'est le mot qu'il a employé, hein. Enfin, ou digne. Et donc voilà. Enfin, de toute façon, ce qu'on a laissé, c'est tellement dur que quand on arrive ici, c'est certes dur, mais parfois on a le sentiment que c'est plus dur, parfois c'est moins dur, mais on se dit que surtout que c'est potentiellement temporaire. Et du coup, voilà. Enfin, on pense à ça, on pense à ce qu'on va pouvoir faire. Là, il a évoqué. Par la bande, la possibilité pour lui de s'inscrire à l'école et les perspectives que ça lui ouvrait, mais que voilà, enfin c'était difficile. Ce qui est souvent dit sur les campements. Ah oui, après je dois te répondre sur la solidarité entre migrants, parce qu'il y a répondu. Juste une parenthèse. Ce que beaucoup disent sur place, c'est que ils disent où sont les droits de l'homme, où est la démocratie, nanana. Ils le répètent assez souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça teste. Enfin, il y a aussi. C'est pour ça que je dis que c'est pas une. C'est comme ces histoires d'extrême droite. C'est pas une histoire annexe ou une lutte périphérique ou voilà. C'est juste la possibilité de voir si est-ce que toutes les choses dont on se gargarise et que parfois on va exporter à coups de bombe, est-ce que c'est valable pour tout le monde ou pas. Et je pense que voilà. Enfin, ce qui se passe là-bas est intéressant. Je reviens à la traduction. Donc, par rapport à ta question, ce qu'il dit, c'est que voilà. Globalement, il pense. Il y a une union qui parfois est difficile compte tenu des conditions matérielles. Il a longuement développé, mais en gros c'est ça. Il dit c'est pas facile tous les jours. Il n'empêche que voilà. Enfin, on a tous des raisons d'être là où on est. On partage quand même une condition qui est difficile. Et du coup, il y a quand même une union entre nous. Merci, vas-y Adèle. Non, mais je crois que tu étais avant. Mais j'ai pas pris de tour de parole, moi je peux rentrer. C'est pas toi. Tu peux te rapprocher s'il te plaît. Moi, c'est juste une petite question. C'est dans les camps des migrants. Dans les camps des migrants, est-ce que c'est par. Est-ce qu'ils sont regroupés par peuple, par nation, ou ils sont plus ou moins mélangés? Et est-ce qu'ils arrivent à se coordonner assez ensemble dans le camp, ou alors c'est une certaine anarchie, enfin tu vois, est-ce qu'il y a une sorte de calme ou... Ouais, chaos, je veux dire. فعلا والله في مشاكل بين اللاجئين، لان تخيل انت اكثر من افتكرهم بس 50 شخص، 50 شخص هنا، 50 شخص قاعدين في الخيمه هذه، في راينا مش حيكون كل واحد يعني في التعامل وكده، واكيد في سوء تفاهم يحصل بيناتنا، يعني شيء طبيعي جدا. مشاكل بين اللاجئين هو نفس اللي حصل بقى انه في يعني الناس دي في الناس دي كلها عرايا ما واحد في الافغان وفي السودانيين ده زمن يجوا ذاته زمن الاكل ساي بقى انه الناس دي معانية وكده يعني زمن الاكل مع الله يمكن يحصل مشكلة زمن الاكل ساي يمكن يشافوا alors ils font des réponses complémentaires. La première chose, c'est qu'il dit voilà, là on est 50, on nous met 5, si on nous met tous les 50 sous une tente dans des conditions difficiles, est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas de problème? Au bout d'un certain temps, et il dit ça c'est humain. Et Ibrahim a complété en disant que ceci étant dit, ça n'empêchait pas des gens de différentes nationalités de faire pas mal de choses ensemble. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Mais... un quoi ? Oui. Alors après, je pense qu'on peut dire ça. Et là, c'est plutôt ma précision à moi. Non contradictoirement, constater des choses. Ces choses, c'est par exemple qu'il y a des regroupements qui se font sur des bases nationales ou en tout cas linguistiques. Ne serait-ce que parce que les gens qui parlent pas la même langue, voilà, et que les gens qui parlent anglais, par exemple, c'est des gens qui ont un capital culturel que d'autres ont pas ou moins. Mais ça n'empêche pas de faire des choses ensemble. Et j'en veux pour preuve les nombreuses manifestations ou les occupations qu'on a faites, où on a vu des Afghans. Par exemple, toi, t'as été à certaines de nos manifs, où on a vu des Afghans porter des Soudanais qui gueulaient des slogans. Et voilà. Les mêmes types qui, la veille, se foutaient sur la gueule sur un camp, mais ils avaient un objectif commun. Ils avaient un ressenti commun qui a existé là. Peut-être qu'il était temporaire, peut-être qu'il était plus durable. Mais voilà, je pense que la réponse de Yacoub est vraiment juste, parce que on nous mettrait dans les mêmes conditions. Je pense qu'on aurait des réactions du fait du confort auquel on est habitué, autrement plus violentes. Merci. Alors moi, c'était pas vraiment une question, puisque je voulais porter témoignage sur la manif du 8 août, où j'ai été vraiment réellement scandalisé par la stratégie policière, où les manifestants étaient littéralement parqués sur un terre-plein, entourés par un cordon de CRS, lui-même doublé par un cordon de véhicules. Et nous, on était là, on va dire, en soutien de ces manifestants, et on était séparés de l'autre côté de la chaussée par un troisième cordon de policiers. Alors, quand on dit que la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Pour la liberté, il n'y a pas de commentaire à faire. Pour l'égalité, visiblement, elle n'existe pas. Et la fraternité, on l'a complètement oubliée. Je trouve ça assez choquant. Ce serait peut-être plus un slogan publicitaire qu'une devise. Merci. Je vais peut-être réagir face à ça. والله هم بالنسبة للحكومة دي هي مش عندها ما عندها معانا مشكلة. المشكلة هي بس فقط هم ما بنعلم نحن هم إذا جايين مثلا الليلة باكر إذا هم جايين باكر ما يكون عندنا علم. فلما يجوا مثلا البعض زي ما قلت لك ما بيكونوا قاعدين في مكان واحد. فبيستحوذوا على المكان والداخل الداخل داخل والخارج خارج فقط. لكن ما واجهنا مشاكل منهم لانهم ما اصلا مميات وقت اللي يكونوا عايزين يرفعوا الناس واحيانا الناس بتكون عاده مش في نفس داخل المكان في مكان خارج فيرفعوا الناس الموجودين والمش موجودين في نفس المكان ويقول لهم ما فيش طريقه بس كده لكن الان في من دخلنا هنا ما فيش حد من الحكومه سالني بالنسبه لي انا شخصيا برضو ما اللي حاجه وكده لكن بس المشكله في التوزيع مثلا اذا جاينا الليله اننا لابد ان نكون نعلم عشان نتواجد ونحن ما نتواجد في نفس المكان غالبا السبب هو المطر يعني نزلت المطر ما ممكن ننوم في هذا الشارع نشوف لنا شيء يغطينا من المطر وفي الوقت نفسه يكون قرب المكان مش بعيد لو اكثر يعني دقيقتين او ثلاث دقائق حتى نتصل عليه بس Alors il a répondu en disant que lui personnellement il n'avait pas de problème avec les autorités, c'était plutôt l'inverse, et que il a pas voulu porter de jugement sur sur la devise de républicaine. On en a d'autres, mais je pense que c'est parce que aussi on se connaît pas. Donc, ça c'est mon avis. On a accès à autre chose quand on reste avec des gens et qu'on se fait confiance. Je pense que ce serait encore une fois pareil ici. Il a dit par exemple de ces concepts et de ces valeurs, on peut citer des moments. Et il revient à cette histoire d'évacuation parce que lui, il fait partie des gens laissés sur le carreau de il y a deux jours. Et il dit, moi je comprends pas pourquoi on nous prévient pas. Quand est-ce qu'on arrive? Je comprends pas pourquoi on nous a demandé de rester assis, accroupis, alors qu'il pleuvait devant un bus, en nous promettant qu'on allait venir. Je ne comprends pas pourquoi, même s'il n'y a pas de possibilité de logement, eh ben on nous laisse même pas nous protéger du froid et de la pluie, ou on nous arrache nos affaires. Tout ça, c'est des interrogations qu'il a. Simplement pour revenir sur la manifestation et le procès qu'on a, faut se souvenir que la raison qui nous avait été avancée pour nous interdire la manifestation au départ, donc l'avant-veille, quand on allait signer à la préfecture, et on nous autorisait simplement un rassemblement à République, c'était qu'il y avait un sous-effectif policier en plein août, et que c'était pas possible. Et donc du coup, quelle n'a pas été notre surprise quand on a vu 29 quarts de CRS débarquer. Voilà, plus les renforts derrière. Et pour les gens qui sont allés à cette manifestation, on aura besoin de... C'est bien, je savais pas que tu étais là, mais on aura besoin aussi de gens qui étaient là, qui peuvent attester de ce qui s'est passé, parce que ça nous aidera à la fois dans notre défense et à la fois pour la plainte. Alors, merci. Je vais prendre encore juste deux tours de parole. Et après, on va passer à notre intervenant. Donc, je voulais vous remercier d'être venu, de nous avoir écouté. Donc là, je vais prendre les deux derniers tours de parole. Seb, c'est à toi. Bon, moi, je souhaiterais dire déjà par rapport à un témoignage où j'ai dormi quand même 4 jours avec eux à Stalingrad. Franchement, par rapport à la solidarité, c'est complètement une grosse solidarité par rapport à nous-mêmes, les sans-logis français, qui dorment aussi dehors. Il n'y a pas autant de solidarité, il n'y a pas autant de respect, c'est un partage commun en fait. Et franchement, je félicite ces personnes parce que franchement, ils demandent de l'aide, on les aide à longueur de temps, on essaie de pouvoir les soutenir le maximum possible. Bon, la fatigue nous importe un petit peu trop malheureusement. Et derrière, franchement, quand le premier soir j'ai vu la Sherba arriver là-bas et que ça a été un Afghan ou un Soudanais qui m'a dit « Attends deux secondes, je vais descendre parce que comme ça, je te ramènerai à manger. » Et que juste derrière, j'ai vu comment ils étaient solidaires par rapport à des vols, des trucs comme ça qui peuvent se produire parce qu'il y a eu un vol quand même qui s'est produit à cette époque-là. Et d'un seul coup, tout le monde s'est levé, tout le monde est parti vers le voleur pour récupérer le matériel. Et d'un seul coup, il y a eu deux véhicules de la police qui sont venus en mode bombe acrymogène à la main, l'arme à moitié sortie, la matraque, le tonfa, il y avait un petit peu de tout. Et c'est assez agressif en fait de leur part parce que voilà, ils se font prendre par ce passe de l'ordre français, ils se font prendre beaucoup pour des animaux et pas pour des êtres humains. Et moi je trouve ça inadmissible. En même temps, pour témoigner au niveau de la manif la manif qu'il y a eu, où on s'est fait réellement assez directement, et ça c'est inadmissible parce qu'il y avait une autorisation à la base. Et en fait, comme l'a dit, elle a été supprimée. Moi j'étais au devant, j'ai pris des vidéos où vraiment les flics et les CRS, ils avaient quand même les dents sur ils avaient quand même les crocs pour vouloir nous taper dessus, vouloir vraiment blesser des réfugiés, des Afghans, des Soudanais, n'importe qui. Et derrière, on n'a pas lâché, on a continué, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues. Et à ce temps-ci, moi je vais faire un appel pour eux, qu'on soit encore beaucoup, beaucoup plus que l'autre fois. Parce que là, il y en a besoin, on a besoin du citoyen français à soutenir ces personnes qui ont vécu la guerre ou qui ont vécu la famine ou même n'importe quoi, des violences par rapport à son gouvernement ou son armée. Merci Seb. Depuis un an et demi, moi j'entends quand parce qu'on traduit beaucoup de tracts, justement aussi pour mettre fin à des malentendus, on traduit ce que disent les Afghans en arabe ou ce que disent des Soudanais en Dari. Il y a beaucoup de mots qui reviennent et au début, moi, j'en avais marre un peu de traduire toujours. On est des êtres humains, ceci, cela. Mais en fait, à la longue, je me suis vraiment posé une question qui est que pour que des gens en arrivent à répéter à ce point-là, nous sommes des êtres humains, c'est comme s'ils devaient rappeler une évidence. Mais quand on rappelle une évidence 15 fois, ça veut dire qu'elle est plus si évidente. Et donc, du coup, c'est ça. Je partage ce que tu disais sur le fait que c'est glaçant ce qui se passe. Je pense vraiment que les pouvoirs publics testent un truc et que si ça passe, bon moi je suis directement intéressé parce que je suis binational, donc je suis peut-être l'étape d'après, mais si ça passe, c'est dangereux. Merci. Ouais, du coup moi je voulais avoir en fait leur version de pourquoi, enfin quand ils sont partis de leur pays. Dans quel pays ils voulaient aller? Est-ce qu'ils savaient dans quel pays ils voulaient aller? Et quelle vision de ce pays-là ils avaient? Et qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant qu'ils y sont, quoi? Maintenant qu'ils sont en France, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que c'était comme ils l'imaginaient? Est-ce que c'est pire ou mieux? Ou je sais pas. Voilà. Merci. الله يبقى أنه نصل يعني إلى فرنسا وعاوزين يعني نعيش في فرنسا ونقعد في فرنسا ونستقر في فرنسا. لكن مين مشيتي من السودان؟ أنت عايز تمشي في فرنسا؟ لا أنا كنت عاوز أصل بلد عامين أصلاً أمنياتي أصل إلى أوروبا. لكن ما متوقع يبقى أنه أنا أعيش في فرنسا وعصوبة أنه أنا وصلت إلى فرنسا ولقيت فرنسا عامنة وقررت طبعا ان انا استقر في فرنسا واعيش في فرنسا وابصم في فرنسا واواصل علي. والله في البدايه اصلا كنا ما عندنا ادنى فكره عن اوروبا، بس كنا حسب ما يدرسون في المدرسه وكذا، في دي اوروبا دي اسيا دي افريقيا دي استراليا، لكن وما كنا ناويين نجي اوروبا اصلا. لكن بعد الحرب الواحد فكر يمشي ملاذ آمن، يعني مكان أفضل. بعد ما جينا انتقلنا إلى ليبيا، ومن ليبيا مشينا إلى إيطاليا. ففي البعض مننا ضل في إيطاليا، والبعض مننا جاي فرنسا، والبعض فات جرمن وكده. ففرنسا نحنا فكرنا في فرنسا، أنا فكرت في فرنسا بعد ما جيت في ليبيا اللي هي بعد الحرب، وعلى أساس معروف إن فرنسا وبريطانيا هم أعظم دولة في كده، وفرنسا ممكن تلاقي الحرية والحرية وتلاقي العلم والتعليم والحماية أفضل في فرنسا وبريطانيا وكلام زي ده. فإذا كده فعشان كده أنا جيت هنا. ولكن قبل الحرب ما فيش حد يفكر في يمشي برا بلاده إلا من أجل التعليم. Alors. Alors, il y a deux réponses différentes à ta question. La première, c'est que donc Ibrahim, il voulait pas spécialement venir en France. Le sujet pour lui, c'était surtout d'arriver en Europe, parce que quand il part, il sait pas s'il arrive, et que donc le sujet c'est d'y arriver. Après, du coup, au cours de son voyage, il a rencontré d'autres personnes qui lui disaient. Il vaut mieux faire comme si ou passer par là, etc. Et que surtout, il avait eu vent du fait qu'il y avait possibilité de trouver des gens avec qui se battre en France, plus que dans d'autres endroits où il était, notamment en Italie. Là, je suis désolé, je fais encore une parenthèse dans la traduction, mais pour que vous compreniez, la caractéristique du fait que vous voyez des Soudanais, des Érythréens, des Afghans à la rue, et qu'il n'y a pas de communauté d'accueil de ces populations à Paris. Il y a 3 restaurants soudanais à la Chapelle et 2 restaurants afghans à Paris. Il devrait y avoir des Maliens dans la rue, mais le Malien, il va à Montreuil. C'est juste pour une petite mise en perspective. Mais Yacoub, il a dit que lui, à la base, il voulait pas venir en Europe, il voulait pas venir en France, mais que la situation a changé dès lors qu'il a été confronté à la guerre, et que globalement, la question qui se posait, c'était de partir et d'aller en Asie, enfin d'aller ailleurs, simplement pour faire des études puis revenir. Mais que la question a été changée et par la situation au Soudan, qui elle-même est issue de la déstabilisation en Libye, qui est venue de la France. Et donc du coup la question qui s'est posée dès lors, c'est de venir pour lui en France. Il y avait la question de la France et la question de l'Angleterre qui était importante pour lui. L'Angleterre parce que c'est l'ancienne puissance coloniale, et la France parce que on entendait beaucoup de choses justement sur ces histoires de liberté, de possibilité de protection, et qu'il y avait la réputation du respect de l'asile, et que par ailleurs, au cours du voyage, que ce soit en Italie ou en Allemagne, il a vu des choses très très très difficiles, et qu'il se disait que peut-être qu'en France ce serait moins pire. Ah oui, on m'a demandé de conclure. Donc, comme je vais conclure, s'il y en a qui sont prêts à participer de quelque manière que ce soit au fait de nous aider, donc là, ce sera essentiellement, encore une fois, pour prévenir et faire face aux rafles. Voilà, n'hésitez pas à nous donner les coordonnées. Je rappelle, si vous voulez noter, la page Facebook, donc c'est Collectif La Chapelle Debout, ou un mail collectif.lachapelle.debout@gmail.com et donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir du coup pour que je prenne vos coordonnées ou qu'on vous inscrive sur des listes pour vous faire passer des infos, et je vous remercie de nous avoir écoutés. Voilà, donc la conférence de SAM est terminée. Personnellement, ouais, je voulais vous dire aussi merci. Tu peux leur dire merci aux 2 personnes. Très intéressant ce qu'ils ont fait. Maintenant, j'appelle Daniel. Daniel, viens par là, s'il te plaît, mon cher. Comme tu veux.